Ésaïe chapitre 29. Malheur à Ariel, la ville où David s'est campé. Ajoutez année sur année, qu'on égorge des victimes pour les fêtes. Mais je mettrai Ariel à l'étroit, et la ville ne sera que tristesse et que deuil, et elle me sera comme Ariel. Car je me camperai en rond contre toi, et je t'assiégerai avec des tours, et je dresserai contre toi des forts. Et tu seras abaissé, et tu parleras comme de deux dans la terre, et ta parole sera basse, comme si elle sortait de la poussière, et ta voix, comme celle d'un esprit de python, sortira de la terre, et ta parole marmottera, comme si elle sortait de la poussière. Et la multitude de tes étrangers, sera comme de la poudre menue, et la multitude des terribles, sera comme de la balle qui passe, et cela sera pour un petit moment. Elle sera visitée par l'Éternel des armées avec des tonnerres, et avec des tremblements de terre, et avec un grand bruit, tempête, tourbillon, et flamme de feu dévorant. Et la multitude de toutes les nations qui feront la guerre à Ariel, et tous ceux qui combattront contre la ville, et les forts dressés contre elle, et ceux qui la serreront de près, seront comme un songe d'une vision de nuit. Et il arrivera que comme celui qui a faim, songe qu'il mange, mais quand il est réveillé, son âme est vide, et comme celui qui a soif, songe qu'il boit, mais quand il est réveillé, il est là, et son âme est altérée, ainsi sera la multitude de toutes les nations qui combattront contre la montagne de Sion. Arrêtez-vous, et vous étonnez, et criez-vous, et criez, ils se sont enivrés, mais n'ont pas de vin, ils chancellent, mais non pas à cause de la cervoise. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'un profond dormir, il a bouché vos yeux, il a bandé ceux de vos prophètes et de vos principaux voyants. Et toute vision vous sera comme les paroles d'un livre cacheté, qu'on donnerait à un homme de lettres, en lui disant, « Nous te prions, lis ceci », et il répondrait, « Je ne saurais, car il est cacheté ». Puis si on le donnait à quelqu'un qui ne fût point homme de lettres, en lui disant, « Nous te prions, lis ceci », il répondrait, « Je ne sais point lire ». C'est pourquoi le Seigneur dit, « Parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et qu'il m'honore de leurs lèvres, mais qu'il a éloigné son cœur de moi, et parce que la crainte qu'ils ont de moi est un commandement d'homme, enseigné par des hommes. À cause de cela, voici, je continuerai de faire à l'égard de ce peuple-ci des merveilles et des prodiges étranges, c'est que la sapience de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes savants disparaîtra. Malheur à ceux qui veulent aller plus loin que l'Éternel, pour cacher leurs conseils, et dont les œuvres sont dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit, et qui nous aperçoit, ce que vous renversez, ne sera-t-il pas réputé comme l'argile d'un potier? Même l'ouvrage dira-t-il de celui qui l'a fait, il ne m'a point fait? Et la chose formée dira-t-elle de celui qui l'a formée, il n'y entendait rien? Le Liban ne sera-t-il pas encore dans très peu de temps changé en un Carmel, et Carmel ne sera-t-il pas réputé comme une forêt? Et les sourds entendront en ce jour-là les paroles du livre, et les yeux des aveugles étant délivrés de l'obscurité et des ténèbres, verront. Et les débonnaires auront joie sur joie en l'Éternel, et les pauvres d'entre les hommes, s'égayeront au sein d'Israël. Car le terrible prendra fin, et le moqueur sera consumé, et tous ceux qui veillent pour commettre l'iniquité, seront retranchés. Ceux qui font tenir pour coupables les hommes pour une parole, et qui tendent des pièges à celui qui les reprend en la porte, et qui font tomber le juste en confusion. C'est pourquoi l'Éternel, qui a racheté Abraham, a dit ainsi touchant la maison de Jacob, Jacob ne sera plus honteux, et sa face ne pâlira plus. Car quand il verra ses fils être un ouvrage de mes mains au milieu de lui, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront, dis-je, le saint de Jacob, et redouteront le Dieu d'Israël. Et ceux dont l'esprit s'était fourvoyé deviendront prudents, et ceux qui murmuraient apprendront la doctrine.